pour cacher ma peine. Dis-moi qui sera là si j'échoue. J'fais pas de blé rien, je compte que sur mon taux car elle fait mes sous. Donneur de gros les écoute, y'a rien qui peut remplacer des couilles. Ils ont pas de quoi se payer un kilo mais veulent attendre, mais bon c'est des fous. Et dans la cité j'en ai vu beaucoup, placard santé, numéro d'écrou, j'fais le récap. Précoce j'ai brûlé les étapes. J'suis pas de génération TikTok, bon caraché dès que ça. Dis-moi si tu m'aimes encore, la fumée t'a rend amnésique. Fusil sur son TikTok, j'enchaîne les liens, j'enchaîne les clopes. Ce qui ne tue pas rend plus fort, moi j'crache ma haine dans la musique. Henri Vergabelle, j'ai pas trop bébé, elle faut que l'amour s'en rende bébé.